Dolan, 3G prod, ok. Yeah, pour quel obscur, plein de toiles qui sur les murs, blessé des pistes écorchées à cause des parois. Bon, tout se passe, moi je me cache de mes amis sous casse. Je prends la tête, je te mets le masque, il fait tomber la double face. C'est là, c'était un aspect de tasse, t'as décidé, c'est pas la classe, c'est bien que dans les favelas, la grosse crasse, évite le grave. L'amour, qu'on tire avec le plaisir, je suis confus, t'habites dans le cul. Car, je m'élite, ça fonctue la polon. Le gosse tire dans la rue, il est pas volant. Les pierres du sol, la bataille super agressive, le but est la montée, t'as vu comment je chargé, raté sur ma tente, c'est brutal, c'est pas ma pique, quand c'est mineur, j'ai les pare-balles, arrestation sur place, c'est place, à la violence, c'est légal, sans force mentale, les obscurs qui me font mal, ce qui paraît anormal, que mes lâches, la casse à mi-part, tout paraît facile, ça paraît pas, apparition d'agression, ça paraît con, mais c'est si l'on attend que le silence s'estompe, que le silence s'estompe. Il est obscur, bientôt écrit sur les murs, blessé des pensées. Mon cri est obscur, bientôt écrit sur les murs, blessé des pensées, à cause des parois. Mon cri est obscur, blessé des pensées, à cause des parois. Blessé, défoncé à cause des parois. Mon cri est obscur, blessé, défoncé à cause des parois.